Bonsoir chers auditeurs, auditrices et de la radio Isanganiro. C'est le moment de l'édition en français de ce dimanche 12 décembre 2021. Les titres. La pluie torrentielle est mêlée de vent tombé ce samedi à Rumonge a endommagé des maisons d'habitation et les salles de classe de l'écoforu Kinga. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le chef d'antenne provinciale de l'OBP à Gitega demande aux administratifs de sensibiliser la population sur la protection des berges et des rivières en plantant des bambous. Chronique Nutrition de ce dimanche va nous parler de la carotte et ses bienfaits sur la santé humaine. Eric Ouimana assure la mise en onde à la présentation. Jean-Marie Mayonga, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bonsoir. Plus de 70 maisons d'habitation. Le bureau du directeur de l'Ecoforu Kinga 3 et de salles de classe de l'Ecoforu Kinga 1 ont été endommagés avec ceux qui se trouvaient à l'intérieur. C'était le bilan provisoire des dégâts occasionnés. Pluie torrentielle mêlée de vent tombé dans la ville de Rumonge l'après-midi de ce samedi. Les victimes de ces intempéries demandent une assistance urgente et surtout en tôle et matériel scolaire. Reportage de Jean-Pierre Misago. Certains parmi ceux qui ont passé la nuit de ce samedi à dimanche chez leurs voisins ou parentés essayaient de recouvrir les murs de leur maison là où ces murs ne se sont pas écroulés. Les tôles trouées étant le seul recours ne fût-ce que pour s'offrir un abri de fortune, dit Hawa, désespéré de son côté, Faïda devant les murs de sa maison se demandent comment ses enfants pourront reprendre l'école après le passage de ces pluies ayant complètement endommagé les cahiers de ses enfants. Melkiade Irambona, directeur de l'école fondamentale de Rukinga 3, étalant livres, cartes et autres documents scolaires dans une des salles de classe de cette école pour voir s'il y a encore à récupérer. Après ces pluies mêlées de vent qui ont tout mouillé, après avoir emporté à quelques dizaines de mètres toute la toiture de son bureau, n'espère récupérer grand-chose. Tous ceux-là qui se sont exprimés demandent une assistance d'urgence. Le quartier Gihwanya a été le plus frappé par ces intempéries avec à lui seul 59 maisons dont les toitures et où les murs ont été endommagés, selon Rajabu Amisi, chef de zone Rumonge, qui informe qu'un bilan définitif en cours d'élaboration sera transmis à ses supérieurs pour d'éventuelles assistances aux sinistrés. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à toi Jean-Pierre Misago, restons toujours à Rumonge pour vous parler des sinistres et des inondations de Gitaza et Chachi en commune Mouta vivant actuellement dans le village de Mayengo en zone Kigwena de la province Rumonge depuis 2018 et 10 êtres dans une misère récente, nous confirme le chef de ce village. Rémi Bitaliho, responsable de ce village constitué de belles maisons d'habitation, explique que le manque d'électricité et de terres cultivables sont à l'origine de cette pauvreté évoquée par cette population sinistrée. On écoute le chef du village Mayengo dans cette traduction d'Evariste Ndiko Banyanga. Là où on était avant, l'on vivait à l'agriculture et à l'élevage. Mais arrivé ici, on n'a pas où cultiver. On n'a pas quoi mettre sous la dent. À la grâce de Dieu, si l'on trouve où exercer une tâche journalière pour avoir 2500 francs, c'est la fête au village. Mais cela ne suffit pas pour une famille de 7 ou 8 enfants. En ce qui est électricité, vous voyez que toutes les installations ont été faites. Nous avons attendu, mais sans succès. On nous avait promis l'éclairage public, mais cette promesse reste aussi sans succès. Il est inconcevable qu'un village comme celui-ci ne soit pas éclairé. Si on a l'électricité, ici, l'on pourrait décoller. Il y a des jeunes qui ont fait des études dans divers métiers. Ils pourraient les exercer moyennant cette énergie électrique. Il ne faut pas que cette jeunesse reste désœuvrée à côté de leurs parents. Autre chose, nos enfants vont à l'école ventre creux. et ne suivaient pas les enseignements convenablement. Ils ne font que somnoler en classe. Comme ça se fait dans d'autres coins du pays, nous voudrions que le gouvernement et les partenaires se souviennent de nous. Il faut instaurer dans notre village le système de cantine scolaire pour aider nos enfants à réussir leur vie comme tant d'autres. Le village de Mayengo abrite 174 familles, dont la plupart venues de Gitaza et Chachi, en commune Mouta, de la même province de Rumonge. Rendons-nous à Bubanza, où les familles de vulnérables et en majorité des batois de la colline Kagwema, commune Gianga, c'est dans la province de Bubanza, se lamentent et disent qu'elles sont confrontées à la pauvreté, surtout le manque de logement. Ces personnes vivent dans des maisonnettes couvertes de paille, non résistantes aux pluies. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide au niveau de l'administration. Ils expliquent qu'ils sont en train de tout faire pour aider ces familles à sortir de cette situation. Space Caritas Kabanyan. Ces personnes vulnérables de la colline Kagwema, en commune Gihanga, sont composées à majorité des batois qui se comptent en 52 ménages. Ces batois disent qu'ils sont confrontés à la pauvreté et vivent dans de petites maisons couvertes de paille. Et quand il pleut, ils doivent sortir pour chercher où s'abriter. Ils demandent aux bienfaiteurs et à l'État de leur venir en aide, surtout en ce qui concerne le logement. Emmanuel Ngendabanga, conseiller du gouverneur chargé des questions sociales, explique qu'au niveau de l'administration, on est en train de tout faire pour que ces familles vulnérables sortent de cette situation en leur montrant par exemple comment faire de petits projets d'autofinancement. Emmanuel Ngendabanga l'a dit ce samedi sur la colline Kagwema au moment où l'association Wikeya David Foundation distribuait une aide composée de vivres comme le riz, le haricot, les habits et autres dans le cadre du soutien et de solidarité avec ces familles vulnérables. Comme l'a précisé Obed Nionzima, qui avait représenté cette association. Space Caritas Kabanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Radio Sanganiro, 18h passé de 8 minutes, le journal continue. Page environnement, le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE à Gitega, demande aux administratifs et communaux de cette province de sensibiliser la population sur l'intérêt de protéger les berges des rivières par la plantation des plants de bambou. Cela ferait que la même population rompe avec son habitude d'arracher ces plants, les accusant de réduire la superficie de leurs champs de marais. Reportage de Gérard Nibigir. Le projet de protection des berges des différentes rivières de la province de Gitega par la plantation des plants de bambou a débuté depuis un certain temps, mais fait face à une réticence de certains gens qui arrachent ces plants de bambou. C'est ce qu'indique le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE à Gitega, M. Jean-Marie Atungimana, qui demande à l'administration de sensibiliser la population sur la sauvegarde des jeunes bambous. Les bambous sont plantés sur les berges des rivières ou aussi dans les marais qui sont aménagés. De temps en temps, nous faisons des descentes sur les lieux qu'on a planté ces bambous, notamment dans la commune Guetta et Gitega, sur les berges des rivières et le Vironze. Certains bambous sont intacts, sont restés comme ça, mais d'autres ont été emportés. Mais d'après la population, ils disent que ces bambous ont été emportés par les rivières. Mais au contraire, ces populations arrachent elles-mêmes ces bambous. J'inviterai d'ailleurs que les administrateurs de la commune Guetta, Gitega, puissent nous aider dans la sensibilisation à l'égard de la sauvegarde de ces bambous qui ont été plantés, du point de vue qu'ils interviennent dans la stabilisation des berges. Niyonkuru Jean-Philippe, c'est un agriculteur de la colline Gasunu, zone Kiliba, commune Guetta, province Gitega, qui a un chat au bord de la rivière Eruvubu. Il conseille ses compatriotes qui arrachent ces plants de bambou plantés sur les berges des rivières de rompre avec cette habitude. Il leur dit que ceux qui disent que les bambous réduisent la superficie de leur chat se trompent. Dimomake, si ces champs ne sont pas protégés, ils finiront plutôt par être totalement emportés par les inondations. D'où alors Or, il les invite à embrasser ce projet de protection des berges et des rivières par la plantation des bambous. Et pendant l'actuelle saison sylvicole, il est prévu 25 000 plants de bambous qui seront plantés contre 25 000 de la dernière saison sylvicole. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Jérémy Bigira. Page Sport pour mettre fin à ce journal et clôture ce dimanche et des compétitions à l'intention des personnes handicapées. organisé par le comité paralympique du Burundi. Jean-Marie Vianney Kirajagaraye, vice-président de ce comité, explique qu'il compte augmenter les disciplines pour donner des opportunités aux personnes handicapées de montrer leur talent, même si le défi majeur restait le manque de moyens de déplacement de ces personnes. Ces compétitions étaient organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année. Suivez Jean-Marie Vianney Kirajagaraye. L'équipe dirigeante du comité paralympique qui vient de passer 4 ans a commencé avec un seul athlète. Avec 2021, on a fait participer 2 athlètes, un garçon et une fille. Ça a été un succès pour le comité paralympique. Et pour 2024, on pense qu'on va augmenter le nombre de participations également. Pourquoi pas avoir des médailles comme les autres pays. Les perspectives, encore une fois, c'est d'augmenter les disciplines dans le comité paralympique. Pour le moment, on est en train de voir comment promouvoir ce qu'on appelle Tugball et également avec le basket sur chaise roulante pour que finalement on augmente les opportunités pour les personnes handicapées pour explorer les talents des personnes handicapées. On ne peut pas terminer ce propos sans vraiment remercier très vivement le gouvernement du Burundi qui nous a octroyé ce terrain, qui nous a accompagnés dans les participations des Jeux paralympiques internationaux. Et nous considérons qu'ils seront toujours à côté de nous pour que les Burundais handicapés puissent explorer les talents, puissent montrer les opportunités, puissent, pourquoi pas, se développer comme les autres Burundais. Le défi qui nous reste, effectivement, c'est le défi des moyens des personnes handicapées. Pour le déplacement, c'est difficile. Donc, ils ont besoin de moyens de déplacement. On aurait dû avoir un bus pour essayer de les déplacer et arriver dans certains points pour faciliter le déplacement. Mais on n'a pas encore avoir ça, on n'a pas encore eu la chance d'avoir ça. Mais on suppose que d'ici 2 ans ou 3 ans, on aura ce genre d'appui pour faciliter nos chers amis, nos chers frères, nos chères sœurs handicapés du Burundi, afin qu'ils puissent effectivement donner les apports dans le développement du pays. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La carotte prévient et guérit différentes maladies comme celle qui attaque l'appareil respiratoire dont la sinusite. Le chercheur nutritionniste explique que cet aliment est riche en plusieurs vertus, à savoir la vitamine A qui intervient dans la multiplication des anticorps. Jean-Paul Ouineza interpelle les gens à prendre la carotte sous forme de jus pour un bon fonctionnement dans l'organisme. Omer Ndouaïou. Les vertus que contient la carotte, dont la vitamine A, interviennent dans la multiplication des anticorps. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, explique que cela attribue à cet aliment la qualité de prévenir beaucoup de maladies, dont celles qui attaquent l'appareil respiratoire. La carotte fortifie les ongles et aussi les cheveux auxquels elle donne plus de brillance. Grâce à la biotine, c'est-à-dire la vitamine B8, que la carotte contient en abondance. Quand vous mangez de la carotte, vous allez quand même constater la version des mycèses. La vitamine A intervient aussi dans la stabilité des mycèses ou membranes et qui tapissent. Elle est utile pour prévenir la lithiase urinaire car il a été démontré qu'une mycèse saine empêchait la formation des calculs à l'intérieur des conduits urinaires ou biliaires. Quand vous mangez de la carotte, la santé de ces organes va s'améliorer très facilement. Il faut manger de la carotte comme un véritable aliment médicament, comme beaucoup de docteurs l'indiquent. Ce chercheur affirme que la carotte guérit les troubles estomacaux, voire même la diarrhée chez les enfants. La vitamine A a présenté également une valeur préventive dans les catarrhes du nez et aussi des sinuses, des phalanges en cas de bronchite, ou bien pour les problèmes des bronches, puisque non seulement elle fortifie les mycèses, elle renforce aussi les défenses. Elle améliore par ailleurs la fonction de la mycèse gastrique en normalisant la production des sucres, c'est-à-dire qui convient dans les gastrites. Elle contribue à la cicatrisation des ulcères. La carotte calme aussi les maux de l'estomac et l'excès d'acidité gastrique. En cas aussi de troubles métaboliques et endocriniens, en cas d'anémie, retard de la croissance, la carotte peut intervenir pour ces problèmes. Pour un bon fonctionnement, Jean-Paul Ouineza conseille de prendre la carotte sous forme de jus, surtout les matins. Comme beaucoup de nutritionnistes parlent, la carotte est un aliment remède idéal pour les enfants. Elle stimule la croissance, augmente les défenses et évite les diarrhées, permet aussi le développement d'une bonne vie et un bel Elle lie la peau, elle contribue à la formation d'une dentine forte et bien développée. En cas de diarrhée et colite, il faut faire recours à la carotte, en particulier chez les enfants, et les s'administre râpée ou cuite pour ces problèmes. En cas de parasites intestins, à l'huile essentielle que la carotte contient, particulièrement active, qu'on appelle les oxyules ou la planque pour des personnes qui sont porteuses de sévères intestinaux. On peut prendre les 500 grammes de la carotte à 1 kg par 24 heures sous forme rapide. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, la carotte est un aliment à ne pas manquer suite à ses bienfaits sur la santé humaine. Merci à toi, Omer Ndouaye. Et bien voilà, c'est par cette chronique nutrition que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bonne soirée chez vous. Au revoir.